Alors qu'ils arrivaient près du palais royal, un chien couché leva la tête et les oreilles. C'était Argos, le chien que le vaillant Ulysse achevait d'élever quand il fallut partir vers la Saint-Ilion sans en avoir joui. Avec les jeunes gens, Argos avait vécu, courant le cerf, le lièvre et les chèvres sauvages. Négligé maintenant, en l'absence du maître, il gisait, étendu au-devant du portail, sur le tas de fumier des mulets et des bœufs, où les servants d'Ulysse venaient prendre de quoi fumer le grand domaine. C'est là qu'Argos était couché, couvert de poux. Il reconnut Ulysse en l'homme qui venait, et remuant la queue, coucha les deux oreilles. La force lui manqua pour s'approcher du maître. Ulysse l'avait vu. Il détourna la tête en essuyant un pleur, et pour mieux se cacher d'Eumée qui ne vit rien, il se hâta de dire « Eumée, l'étrange chien couché sur ce fumier, il est de belle race, mais on ne peut plus voir si sa vitesse à court égalait sa beauté. Peut-être n'était-il qu'un de ces chiens de table auxquels les soins des rois ne vont que pour la montre. Mais toi, Porcher Eumée, tu lui dis en réponse, c'est le chien de ce maître qui mourut l'un de nous. Si tu pouvais le voir encore actif et beau, tel qu'Ulysse en partant pour Troie nous le laissa, tu vanterais bientôt sa vitesse et sa force. Au plus profond des bois, dès qu'il voyait les fauves, pas un ne réchappait, pas de meilleur limier. Mais le voilà perclus. Son maître a disparu loin du pays natal. Les femmes n'ont plus soin de lui, on le néglige. Sitôt qu'ils ne sont plus sous la poigne du maître, les serviteurs n'ont plus grand zèle à la besogne. Le Zeus, à la grand-voix, prive un homme de la moitié de sa valeur lorsqu'il abat sur lui le joug de l'esclavage. À ces mots, il entra au grand corps du logis, et droit à la grande salle, il s'en fut retrouver les nobles prétendants. Mais Argos n'était plus. Les ombres de la mort avaient couvert ses yeux, qui venaient de revoir Ulysse après 20 ans.